الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui donc nous en sommes arrivés au 41e hadith des 40 hadiths de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah. الحديث الحادي والأربعون وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا كلام النووي رحمه الله. Le 41e hadith, d'après Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera croyant tant que ses passions ne seront pas conformes à ceux que j'ai apportés. Ce hadith, Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah, il a dit qu'il a été rapporté dans le Hujjah ala Tariq al-Mahajjah de Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi. Et ce livre, en vérité, on ne le retrouve pas aujourd'hui dans les manuscrits. Il a été perdu. Il a été perdu. Mais en réalité, on n'en a qu'un résumé de ce livre. On n'en a qu'un résumé, donc tous les hadiths ne sont pas dedans. Et dans ce résumé, il n'y a pas les chaînes de transmission. Il y a juste les textes du hadith. Mais ce hadith a été rapporté par des savants du hadith plus célèbres que Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi. Il a été rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. Il a été rapporté par Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah. Et dans les deux livres, ils sont rapportés avec une chaîne de transmission faible. Et les spécialistes du hadith disent que c'est difficile de rendre ce hadith authentique. Mais son sens a été corroboré par les fondements de la jurisprudence islamique, que ce soit les textes du Coran et les textes de la Sunna authentique. Donc on dira que son sens est juste, mais on n'attribue pas ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses mots avec cette chaîne de transmission-là. Quand on dit les passions, en langue arabe, al-hawa, quand il dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, al-hawa, les passions, parfois il est cité pour désigner simplement les penchants de quelqu'un, qu'il soit bon ou mauvais. Et parfois il est cité dans un sens péjoratif, c'est-à-dire les penchants, les passions qui sont contradictoires à la vérité. Donc al-hawa, en langue arabe, quand il est cité, les passions, al-hawa, ou bien il peut vouloir dire les penchants, qui n'est pas péjoratif en soi, car quelqu'un peut avoir des bons penchants et des mauvais penchants. Ou bien il peut désigner les passions, qui dans ce sens-là est péjoratif, c'est-à-dire les penchants contradictoires à la réalité, contradictoires plutôt à la vérité, n'est-ce pas? Donc dans ce hadith, ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est de deux parties, et de deux catégories. Une catégorie pour laquelle la foi de la personne ne peut être authentique et valable sans elle, Et une autre catégorie pour laquelle la foi de la personne, s'il ne la pratique pas, elle est manquante. Mais ça ne fait pas de lui un mécréant. Il restera musulman. Donc, ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ou bien si, ce sens du hadith, que l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant, ou ne sera pas croyant, tant que ses penchants ne seront pas en concordance avec ce avec quoi je suis venu. Ici, c'est quoi le sens des tendances de ces penchants? C'est dans le sens général. Les bons et les mauvais penchants. Et non pas l'autre sens qui sont les passions, les mauvais penchants. Et les deux catégories, quand il dit « La yu'minu ahadukum », l'un d'entre vous ne sera pas croyant. J'ai fait exprès de ne pas traduire par « véritablement croyant ». Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie, si ses penchants ne le suivent pas, il n'est pas croyant du tout. Il est tout simplement mécréant. Par exemple, quelqu'un dont ses penchants n'acceptent pas les deux attestations de foi, la double attestation de foi. Quelqu'un dont ses penchants n'acceptent pas l'unicité d'Allah et son monothéisme. Quelqu'un dont ses penchants rejettent la réalité du jour du jugement dernier, ou les piliers de la foi. Celui-là, on dira, il ne sera pas croyant tant que ses penchants ne suivent pas ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, sans cela, il n'est pas croyant du tout. Il est mécréant. La deuxième catégorie, ce sont des actes avec lesquels est venu l'islam, mais qu'en les délaissant, la personne ne devient pas mécréant, tant qu'il ne les renie pas. Alors on dira, personne ne sera véritablement croyant dans ce cas-là. Comme par exemple, quelqu'un qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan, sans renier son obligation, par fainéantise. Il est pécheur. Sa foi est incomplète et manquante. Il n'a pas atteint la complétude obligatoire de la foi. Obligatoire. Mais il a une partie de foi qui fait de lui encore un musulman. Donc lui, on dira de lui, on comprendra ce hadith pour lui, quelqu'un n'est pas véritablement croyant ou un bon croyant tant que ses passions, tant que ses penchants ne sont pas venus en concordance ou ne sont pas en concordance avec ceux avec quoi je suis venu ou ceux avec quoi j'ai été envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cœur a des penchants. Et ces penchants-là, ils peuvent être bons comme mauvais. Et en réalité, la personne n'atteint pas les plus hauts degrés de la foi tant que ses désirs, ses penchants et ses désirs les plus secrets, les plus intimes, même ses désirs les plus intimes, ils sont en concordance avec ce qu'Allah aime. Ils sont en concordance avec ce avec quoi a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, ceci est une bonne balance pour mesurer le degré de foi d'une personne. Plus il voit que ses penchants et ses désirs internes et intimes sont concordants avec la législation, avec ce avec quoi a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ceci est une preuve de la véracité et de la sincérité et de la complétude de sa foi. Et moins ses penchants sont concordants avec la législation, et plus c'est une preuve de la faiblesse de sa foi. Le prochain hadith, الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 42e حديث et le dernier hadith de ce recueil, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Il rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah, le Très-Haut, dit: Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai guère. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai guère. Ô fils d'Adam, si tu te présentes à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans rien m'associer, sans ne rien m'associer, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il y a certaines critiques à donner dans sa chaîne de transmission, mais quand on réunit les différentes chaînes de transmission de ce hadith et d'autres hadiths qui lui ressemblent, qui viennent le renforcer, on pourra dire que ce hadith fait partie des hadiths acceptables. On pourra dire que ce hadith fait partie des hadiths acceptables. Et bon, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah ta'ala a dit, c'est-à-dire c'est un hadith divin. Un hadith divin. Tayyib. On a déjà parlé des hadiths divins, mais on n'a jamais expliqué c'était quoi un hadith divin. Qu'est-ce qu'un hadith divin et quelle est sa différence avec le Coran? Qu'est-ce qu'un hadith divin et quelle est sa différence avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un hadith divin, quand il est authentique, c'est la parole d'Allah, comme le Coran, que ce soit dans le sens ou dans les mots utilisés. Ça, c'est un. Par contre, il n'est pas autorisé de réciter le hadith divin dans la prière. On ne doit réciter que le Coran. Aussi, Allah a mis au défi les gens de reproduire ne serait-ce que 10 versets ou un verset comme le Coran. Ce qu'il n'a pas fait avec le hadith divin. Al-tahaddi, la mise au défi. La mise au défi, elle a été faite avec le Coran et non pas avec le hadith divin. Et il y a d'autres différences. Par exemple, le Coran, ça a été rapporté bit-tawatur, selon un grand nombre, selon un grand nombre, selon un grand nombre, dans toutes les chaînes de transmission. Alors que le hadith divin, on l'étudie comme on étudie le hadith prophétique. On regarde lequel d'entre eux est authentique et lequel n'est pas authentique. Parfois, il peut être transmis par une seule chaîne de transmission, par deux, par trois. Comme parfois, il peut être transmis par un grand nombre de chaînes de transmission, comme le Coran. Voilà quelques différences entre le Coran et le hadith divin. Et souvent, les hadiths divins, il n'y a pas de règles religieuses dedans. Ce sont souvent des rappels, des maw'idhah, des exhortations. Souvent, les hadiths divins viennent dans ce sens-là, dans des exhortations, des rappels. Et ceci, celui-ci fait partie de cela. Dans ce hadith divin, Allah Ta'ala donne trois causes parmi les causes pour atteindre l'absolution et le pardon d'Allah. Trois causes parmi les causes pour atteindre l'absolution et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des causes, L'invocation liée avec l'espoir. Le fait d'invoquer Allah en espérant en lui. Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Donc l'invocation d'Allah seul, accompagnée de son espoir, de l'espoir en lui. Et l'espoir en Allah est une adoration du cœur, une des plus grandes adorations du cœur. La deuxième cause pour atteindre l'absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner l'absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est citée dans ce hadith divin, c'est l'istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon. C'est-à-dire que le serviteur reconnaît sa faute, la regrette et demande à Allah de l'absoudre. Car tout fils d'Adam est pécheur. Kullu bani Adam khatta. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, tous. Et le meilleur et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Les repentants. Donc la demande de pardon, c'est un repentir avec la demande d'absolution. C'est-à-dire que la personne regrette d'avoir désobéi à Allah ou d'avoir été manquant dans une obligation religieuse ou dans une obligation même vis-à-vis de quelqu'un pour lequel il y a un péché en la délaissant. Et en regrettant, il s'en repent. Et il demande à Allah de lui pardonner cette erreur. Tant que la personne fait cela, Allah lui pardonne sans se soucier du nombre de péchés qu'il a pu faire. At-ta'ibu min al-dhanbi kama la dhanba lahu. At-ta'ibu min al-dhanbi kama la dhanba lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Hassan rapporté par Ibn Majah, celui qui s'est repenti d'un péché est comme celui qui n'en a pas commis. Alhamdulillah. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Et la troisième cause, qui est la plus éminente des causes, elle a été retardée alors qu'elle mériterait d'être avancée. Mais elle a été retardée pour attirer l'attention des gens, pour qu'elle reste la dernière chose du hadith sur laquelle la personne se concentre, vu son importance et sa grandeur, et non pas retardée car elle mérite d'être retardée, elle mérite d'être citée en premier. Mais parfois, comme vous savez, quand on cite des points à une personne, il a tendance à retenir le dernier point plus que les premiers points, n'est-ce pas? Parce que c'est plus proche dans le temps. Donc cette dernière cause, c'est le tawhid, l'unicité, le fait d'attribuer l'unicité à Allah. C'est ça le tawhid. Le fait d'attribuer l'unicité à Allah par la parole, par les actes, par le cœur. Qu'on adore que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on espère en lui, qu'on ne craigne que lui, qu'on invoque que lui, qu'on se prosterne que devant lui, qu'on s'incline que devant lui, etc. At-tawhid. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, dit que si la personne vient avec des péchés qui atteignent le ciel, qui atteignent les nuages dans le ciel, mais quand il se présente à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, monothéiste, sans lui donner d'associé, Allah lui pardonne et il ne s'en soucie guère. Aussi, il est cité. Donc ça, c'est celui qui, ses péchés atteignent les nuages dans le ciel et qui demande pardon à Allah. Allah lui pardonne. Et celui qui se présente à Allah monothéiste, avec un monothéisme pur, et qui se présente à Allah avec la contenance de la terre entière comme péché. La contenance de la terre entière comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala vient à sa rencontre avec la même contenance d'absolution et de pardon. D'absolution et de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne lui coûte rien de pardonner à ses serviteurs. Par exemple, les créatures, parfois il a du mal à pardonner. Parce qu'il a été touché, parce qu'il est faible. Une créature, elle est faible. On peut lui nuire, n'est-ce pas? Une créature, on peut lui nuire. Donc quand on lui a nui, elle garde une rancœur, elle garde une blessure. Cette blessure, elle fait qu'il a du mal à pardonner à cause de cette blessure, n'est-ce pas? Mais Allah Ta'ala, qui peut lui nuire? Personne ne peut lui nuire. Personne ne peut atteindre sa nuisance. Personne ne peut le nuire. Comme on a vu dans le hadith ensemble, le hadith que si la terre entière elle avait le cœur le plus impie, du plus impie d'entre nous, cela ne diminuerait rien au royaume d'Allah. Cela ne lui fait rien. Même si toute la terre avait le cœur le plus pieux, du plus pieux d'entre nous, cela ne rajoute rien à Allah. إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ. C'est juste, Allah Ta'ala, il nous compte nos actes pour nous en récompenser. Tout simplement. Par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver l'être humain et le mettre sur cette terre, bien qu'il sait ce que chacun va faire. Et il sait auparavant la demeure de chacun. Car il sait ce qu'ils vont faire, et il sait ce qu'ils vont mériter, et il sait où ils vont finir. Il sait, subhanahu wa ta'ala, mais il ne les a pas obligés. Il leur a donné le libre choix. Il les a mis sur terre. Bien qu'il sait le choix qu'ils vont faire auparavant. Le fait qu'Allah Ta'ala le connaisse ne veut pas dire qu'il t'a obligé à le faire. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala donne la chance à l'être humain, même au plus ingrat des ingrats parmi les êtres humains, il lui donne sa nourriture, il le laisse respirer, il le laisse se réjouir de certains bienfaits de ce bas monde, de sa santé, de sa femme, de ses enfants, n'est-ce pas? Il lui laisse jusqu'au dernier instant pour se repentir, pour revenir au droit chemin. Juste Allah lui a demandé de lui vouer un culte exclusif, de ne pas lui donner d'associé, de reconnaître l'unicité d'Allah, de l'affirmer, de lui attribuer à lui seul, et de faire de son mieux pour lui obéir. C'est pour cela, celui qui rencontre Allah avec le tawhid, il a toutes les chances d'être pardonné, malgré tous ses péchés, malgré tous ses manquements. Et il sait qu'un jour ou l'autre, même si il devait être châtié dans l'enfer pour un moment, par la cause de son tawhid, il sortira de l'enfer et il entrera au paradis pour l'éternité. Par contre, celui qui donne un associé à Allah dans son adoration, il aura beau dépenser la terre entière en aumône, il aura beau faire les prières qu'il veut, les jeûnes qu'il veut, tout ceci sera refusé par Allah subhanahu wa ta'ala et rejeté, et il sera éternellement parmi les damnés de l'enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Le shirk, c'est le plus grand danger. Il est la cause d'annuler tous les actes. Il est la cause d'être privé à jamais du paradis. Wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Il est la cause d'être privé et interdit du pardon d'Allah le jour du jugement dernier. Comme on a récité le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, Khalilullah, le plus aimé d'Allah, Il lui a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُولِ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Oh Muhammad, il t'a été révélé à toi ainsi qu'au messager avant toi. Si tu venais à donner quelqu'un associé à Allah, tes actes seraient vains, nuls, et tu ferais partie des perdants. Allah Ta'ala dit ça au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les prophètes avant lui ne donneront des associés à Allah. C'est pour montrer la gravité du shirk, qu'elle ne peut sauver personne. Celui qui est tombé dans le shirk, qui qu'il soit, il ne pourra être sauvé. Par contre, celui qui a le tawhid, qui qu'il soit, il entrera un jour au paradis. Il peut passer par l'enfer, par la justice d'Allah, s'il a fait des grands péchés, comme Allah peut lui pardonner par sa miséricorde. Il est sous la volonté d'Allah. Insha'a ghafara lah, wa insha'a adzabahu. Insha'a adzabahu bi'adlihi, wa insha'a ghafara lahu birahmatihi wa fadlihi. S'il veut, il le châtie par sa justice, et s'il veut, il lui pardonne par sa miséricorde et sa grâce. Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudhlimu mithqala dharra. Allah n'est pas injuste, ne serait-ce que le poids d'un atome. Donc, on voit encore dans ce hadith l'importance du tawhid, et qu'il est primordial pour espérer gagner le pardon d'Allah. Et que les gens du tawhid sont les plus méritoires du pardon d'Allah et sont ceux qui méritent le plus l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Comme il est venu dans le hadith sahih, ceux qui méritent le plus mon intercession le jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement. Sincèrement. Donc sincèrement, ça veut dire quoi? Cette sincérité, elle l'empêche de donner un associé à Allah. Cette sincérité, elle le pousse à pratiquer ce que renferme cette parole comme sens. De se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala par le monothéisme pur. On voit dans ce hadith la grande largesse du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures, la création, kataba fi kitabin, il a écrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, inna rahmati taghlibu ghadabi. Ma miséricorde a vaincu ma colère. Quand on récite le Coran, on dit quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. On ne dit pas Bismillah al-Aziz al-Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est le miséricordieux, le tout clément. Et que sa miséricorde a vaincu sa colère. Et que sa miséricorde englobe toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui, malgré cette miséricorde infinie et large, il arrive à ne pas se faire pardonner, c'est que réellement il le mérite. C'est que réellement il ne mérite rien d'autre à part l'enfer. C'est pour ça, mes frères, le musulman, il ne doit pas oublier que cette vie est une vie d'épreuve dans laquelle il cherche le pardon d'Allah, sa miséricorde, sa grâce. Il cherche la réussite. La vraie réussite, c'est de gagner le pardon d'Allah, de gagner son agrément. Car tout ce que tu peux amasser dans ce bas monde, tu vas le laisser derrière toi. Tout ce que tu peux amasser dans ce bas monde, s'il ne t'a pas aidé à obéir à Allah, il ne te sera utile en rien. Tu vas le laisser derrière toi. Que ce soit des biens, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, que ce soit des montures, peu importe. Toutes ces choses, elles ont été une cause de te rapprocher d'Allah, tu as gagné. Elles ont été une cause de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as perdu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait les uns des autres des tentations, allez-vous patienter. Sallallahu alayhi wa fiqhana wa yakum, lima yuhibbu wa arda, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.